nur de silo hin à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver hin à Brezhoneg. Vous êtes bien sur RKB pour Hentar Brezhoneg. Comme d'habitude, on commence par Garrigou Arvué. On en est à la 404. Voilà, émission 404, oui, père en père. Père en père, et quel mot on voit aujourd'hui? Et alors, on va aller se promener aujourd'hui. Ah, c'est bien ça, les balades d'automne. Voilà, le temps est de la partie, donc... oui, alors, je voulais parler du verbe « pourmen », donc, qui est un mot qui sent bon l'ancien français un petit peu, c'est emprunté au français, mais en étant modifié, hein, puisque le R se trouve à la fin de la première syllabe. Au lieu de dire « promener », c'est « pourmener ». En gallo, c'est « pourmener ». D'ailleurs, en gallo, c'est quelque chose qu'on trouve souvent, hein, le R de la première syllabe qui se trouve à la fin. Ouais. Hein, qu'on va dire « Vanderdi », Causel-Berton, hein, Saint-Berieux, hein, voilà, il y a plein de mots. La Perchaine, à la Perchaine, hein, voilà, pour la prochaine. Hein, où, voilà, il y a plein de mots comme ça, hein, permier pour premier aussi. Et là, on trouve ça en breton, hein, aussi, pourmen. Hein. Donc, pourmen, le verbe... Alors, pourmen, ça veut dire à la fois promener et se promener. Hein. Pourmen, on va pas mettre unem bourmen, hein, on va dire pourmen, comme ça. Voilà. Alors, par exemple, je vais dire, mon de rente de bourmen war armé, je vais me promener à la campagne. Alors, il y a beaucoup de dérivés, hein, comme par exemple pourmenaden. Hein. Donc, pourmenaden, c'est une promenade. Hein. Donc, comme c'est féminin, il y a une mutation après l'article. Et c'est alors bourmenaden. Hein, voilà. Donc, pourmener, c'est un promeneur. Alors, pourmener, voilà. Donc, c'est quelque chose qui est assez, assez répandu. Donc, et souvent, d'ailleurs, on dit « monte bourmen », hein, « aller se promener ». C'est-à-dire, il y a une certaine redondance, hein, pour souligner, en fait, l'action de se promener. Alors, il y a aussi, on entend parfois aussi « casse de bourmen », hein, « envoyer promener ». Hein, mais il y a d'autres formules. Hein. Ma grand-mère, par exemple, disait « casse de lussal », hein, », c'est-à-dire « aller ramasser des myrtilles ». Tiers de Lussade, ça veut dire envoyer promener, c'était plutôt tiers de Lussade. D'accord. Oui, oui. C'était plus vigoureux, plus imagé. Et on utilise un autre mot aussi pour se promener. Hein, hein? Baller. Voilà. Oui, baller, voilà. Alors donc, je pensais aussi à ça aussi, parce que on dit souvent baller, hein, donc balayaden, hein, une promenade, balayaden, alors valayaden. Il y avait Théo Michel, là, le chanteur de Saint-Nicodème, qui disait souvent « wak bra balé », hein, dans son chant. Oui. « Wak bra balé, balé, wak bra balé, balé, bra war wa balé, mais le réglo bem dé ». D'ailleurs, on l'appelait ça l'air de Théo Michel. Hein. D'accord. Alors, voilà, Théo Michel était bien connu, hein, il chantait avec Émile Rioux. Voilà, et on l'a bien connu, enfin les gens de mon âge l'ont bien connu, quoi. Bon, voilà, « wak bra balé ». Donc, je le disais, « balé aden », or « valé aden », hein. Un autre mot avec balé, balayer bro, c'est un vagabond. Alors ça peut être, à la limite, ça pourrait être autre chose, ça pourrait être un touriste, un aventurier, voilà, balayer bro qui se promène dans le pays ou dans les pays, quoi. Voilà, balayer bro. On dit fouetter bro aussi, hein. Galoumper aussi, hein. On disait galoumper, hein. Galouper, y en a, hein. Voilà. On peut dire aussi pour se promener, montadonte aussi, pour quelqu'un qui va et qui vient. Hein. Voilà. Alors, il y a quelques autres mots qui sont dérivés de ça, comme baléour. Hein. Baléour, qui a un peu le même sens, quoi. Hein. Un sens de promeneur, quoi. Promeneur, oui. Voilà. Alors, il y a un autre verbe aussi qui est kantren, hein. Kantren, qui est plutôt errer, quoi. Kantren, qui est moins répandu. Balé est vraiment très, très répandu. Kantren, hein, il y avait les Kantrerien, c'est des vagabonds, quoi. Ouais. Il y avait un groupe de musique autrefois, je ne sais pas si ça existe encore, qui s'appelait Kantrerien. Hein. Voilà. Alors, Kantreres, c'est le vagabondage, c'est vagabondage. Hein. Il y avait des lois autrefois contre le vagabondage. Hein. Et puis les vagabonds étaient soumis à un certain nombre de règles. Il fallait qu'ils aient un carnet à remplir dans les mairies où ils passaient, enfin. Et il y a plein d'histoires avec ça, hein, puisque des gens comme Pierre de Bulat et tout ça, et donc ils allaient dans les mairies faire tamponner leur carnet. C'était du vagabondage. Parce que les poètes étaient vagabonds, quoi. Oui. C'était les poètes, les conteurs, il y avait des musiciens aussi qui étaient un peu vagabonds comme ça. Alors, warballer, hein, l'expression warballer, hein, c'est-à-dire en train de se promener, en fait. Hein. Par exemple, il y a une chanson qui dit « Ne chômez que warballer, mais de galimante. Ne chômez que warballer, mais de galimante. » Il ne restait plus à se promener que les vauriens, en fait, hein, galimante. Voilà, c'était... Et il ajoutait « à me hamaradami et mon camarade et moi », puisque eux aussi étaient... en train de rechercher des jeunes filles la nuit, comme ça, quoi. Une expression aussi qu'on employait, « Mi vaut pas pour de valle et d'issul hein. ».« Pour de valle », c'est-à-dire « celui qui ira se promener ». Contrairement à « pour de dière », celui qui restera à la maison, quoi. Il y avait un roulement comme ça dans les fermes, hein, enfin, entre frères, par exemple. Hein. « Mi vaut pas de valle et d'issul ». Et puis l'autre, vive au pot de hier. Bon, dans le cas là, il valait mieux être pot de varlé. Voilà. Bon, ben, grême mon temps trop varlé. Voilà, on a fait une petite promenade. Merci Henri, on passe à la deuxième partie d'émission. Brézonec, temps matin. Oui, alors donc aujourd'hui, on va aller à Zantol, là où vient d'avoir lieu le repas des anciens, le repas du club. Donc Chanik va rencontrer Louis Guyader, qui est le président du club. Alors on les écoute. Salut Louis, ma de jeu. Ce que te glaime, Chanik. L'arrête d'inta, Louis. Clévin me zoan déal près d'Arregos, bas Zantol. Ya, Guiri, orvé je blave et grand orlep, puis j'ai dura 40. Bas Zantol, Vegret. Ya, et vel juste, va t'y fange peine quoi de veillerait d'arprit? A débé de mad au peus. Fais ya, vat. Au bonheur d'Igor Karl, on ne voit de djenta. A go bonheur zou ben waler. A langue de bœuf grand bonnet d'où tous. A go rost et vel juste waler. A zaladen, a fourmage. A go tant cougnan man grand a hafé. Trauscan, pen arfin. Oh, rec que fait une chanik. N'est que médorvige blanc. A plis j'adur zo bête. Ya, chanik, et vel qui s'accustume. Quand on nous obéit à son heureuse, très jeune gaule, accordéon, harmonica, quoi que triste, n'dut.

troisième partie d'émission, Petra Zonevier Vroeri. Ben, calze draw et veljus boire vejdiouzan. Krogom de dianton vel custum, gandela bourdouar a gervu et war armes. Erion bremont tos de fin diskaramzer, ben e fin, pas de sfin en blanc, mais de sfin diskaramzer, après stigeteil ur gouan. Hag spi meus ne vo ke regal de gouan me meus rog vel vo. Wardach en ela bourdouar e lu en mod en trou ur mar e man, ne ke bra gout pe sa mod vo kont, pu dur ar zo calze guden ou hag, de zem un bekom zet Alice déjà, war la bourdouar, hag zo war vo calze chanchement chou ba an amzor de zon. Wardach en ela bourdouar, me ne ke bra gout pe sa mod vo en trou a pe sa, war pe sa tu e yeyn en trou. Evitud so, e vo red di, der an mur, vo red di wal mur de zen endro, ben e fin, a produit ou trevad ou a kik, evit bout gwer ze tostor de ze de son, e bro France, pe bro Europa, da skwe, hag evitud el, vef e gwellar der an war moto ber zo vreman, de la rade castro ou pel de ze, de zan me vel yir skornet, hag bon goul gant bro Europa pe an divor tre ur priz bro Europa hag an priz war marad ur bet. Bon, se tu ar zo bin dibab d'or hag war anke pe sa dibab vo gret na war anke pi ou re en dibab ben e fin, gwellet vo. Mez ur war chèche un trou kals. War da chen un ekonomi eus hag politikerez, bremañ. Kuzul rand vo breiz, eus o hober o nen klas kevit gout pe sa mot, well of retourne de Brace ba bla do il tregon un peu sa mode vel en un homme sur des ondes vite Brace ag em vo nou vegred on tombe pe blair war un affaires ag on en classe que vegred war war roi dans internet et vel juste puis on vraiment trem tout d'un trou dans internet ag bon quel le me tombe trop aso bit de baisse de zib et vraiment ag trop d'histoire bénéfine bon, trop, avait fait, moyen de l'art, vin de Svors, pe Sorbro, pe Normandie, pe Kreis, France, pe, bon, velan que de, ta calze dro ou mes de zena farz. Das queer, war dash en eus evenadur, bon, pe sobe ki nigel zo tos de zman, de zéro, me peswa. Bon, ne velan que te calze dro ou mes de zena farz. Bon. Ba blado, vilper, vil mon entend mes evro, oa bet zine d'o nemglev tre bro gembre a breiz evit labour a d'ar samles war ne peut tache nou. Evel juz bro gembre zo an tam zezo in gal a peyit gal, evit ar en kubekle e zeroaz, bro gembre zo an or skwer evit de breiz, pel rog om jiwaz pe dur, am noum ket war hanter de spes n'engret, Med me mestras o liammou tre bro gembre a breiz pel zo, pudur, e on tom ma me zevena dur ye so henvel mod, pe moyen ne ke bra kompren da feze hembrag, me kalz a draou ezo hag zo de breiz hag ve kav dive ba bro gembre. Hag war da chen zevena dur zo bet zin traou bon en deel oa bet o ne bet tud deus breiz hor daran klas daran pred ou bro gembre bon pudior deja zo da skouer daran pred ou tre CRBC zo ba Brest hein, zo la bour a loar dro zi vena dior breiz hag skol u le skol veur a beri suisse bon gwell vo pe sa mod vo kont de se ya zi oa ba Cardiff hein, pe larin mod hein, oa bet un em glevs bon On t'en me pebler, breiz ve gwell milin ou avel, d'ober tredan, pe eolien en makaret, hag ar zo stal ge vo ivo, igor et prestik, or stal zo ba began, hein, o park milin ou avel, jesen, o parkat i milin ou avel, ba began zo trost de oenet, met ur vejman, diz henvel un tro un tamp, pudur, park milin ou avel zo gret gant ur strol at tut, zo bodet sambles neus gell ur gevridigez, hein, hag o strolat zo haunet begawat. Hag bon klev meus vo gred o park adel, milin o avel, ba sevenak gwen rouet, zo ba ligue ratlantel de la rede zo breiz hein mais de ba marme mon roas ba bro ligue ya bon au studi zo begred ne vaisseau vid war grand ninse hein war yoan qui zo breiz hag bon case du yoan zo breiz hein mais de peso Kazne verret et mon warog glace labre hein plus dur bois des glaceaux pemdregan de yoan qui se braise zo aide les hel de glask au labre hag zi juste zo dra trisoir hein bon ma chomac de yoan bavro vite mon on temps war dachen zevena dur des vaisseaux ou abe hangve d'un du de nesbe de blanc me trop hug en herminique galak velardzi collier de l'hermine parce que beroas non mais ruizo rayo wang de god trop hug ben très grande lame ma très bon c'est tu en prise au bero et de verro de du de tu danis labour de wardash en zivina durpe pétrement de vibrais drev rose hein war trowel a ge blamos au bid hanje de père hein perdine ce bid trop hug en herminique de dianton Martial Ménard Martial Ménard zo rendve mort vi de l'arbre grain quand war dash en braison de hein grain de guerrier duriou vi de riez hein guerrier duriou e braison de pendaben hag calz l'arbre ne se begrade a dit ce bon héros de trop hug en herminique dans bon hendel war urbel hein un tas de Yves Pascal Castel, azo han mat, vur an labour a oar a glad, hein, pelzo, get skeden ou deus a glad, a tresaden ou a bon o bern trau, a im ban de leverio, hein, hag oar ur glad zavel, dreistol, glad a religion, hein, nilij ou chapelio, calvario, hag orbera a ive abaden ou radio, oar radio rivage, oar a glad, just bon. On denel neus berroaz tro hug un herminig et Jean-Jacques Monnier zo historou Alice Veclev de Combes de Sang hein putur de scrive de au Nebama de Lever yo war histor breiz hag mon au chambalar la nuen hein kuzulior bar ou zemamez ba la nuen a hendel wa on denel oaz et Tanguy Louarn hein eux ont des nazo hanav mad jus mad vid de toute business grade et videur braison d'ag a trop hug en herminix au bero et ba san nicolas redon bon pion comes de ce zevena du roas un dl ou ba san igoud en guel vid ani ebrel ni nord de ani ebrel zo kan en braison de très grand lasso ag milardar wa kal ze du denan ba kouls ba son ad gvel ba fesdons zo be calze dud a bon zonerien cornerien la calze dun hendel vid rent e inor na hand de ani ebrel vid chom mon tom war dash en orbrezon pu dire on comme ze orbrezon o levers o bedim bon le neveso war troyouker nicolasic galak et petit nicolas Zezo fentus ka Nicolasig e un de ni wagwell de zantezan an ba zantezan an wenet. Trihan lasso. Men e kemam ma zin ye. Bon setu bon troyouker Nicolasig. Hein, ze wabe gret hanterkan lasso gant sampe. Zo tresour hag gant gosini. Ni waget de romjou. Zo betro et gant divi kervelan. Hag im banned. Hein, bon zezo or blijadur evi de... Vi de Vigalis, et on t'en prouve ma peçon de Vigouil Nedelec. Hendel, au lever à ne se grède berce, oise, avec zo deux en mes nevesso, et lever ou argent gouriou, pot de fauteuil au bas en Nicolas. Avec un rôle de, et bé de, non, une bande de bé d'un drasé, gant, strolader glade en Nicolas. Avec, bon, zo, Pem quand zo bed im bande da mezon vo rad gred réel peut dire tout de réwa be gred zo bed guer zed. Vegel moi comme ze tard de Jean-Pierre Elien zo en des vaisseaux de Nandan a go président Neve zo be hanve de Vilguet en loup et Hervé Rouault hein ne voit déjà la bourre à Douarzé Spen, oh, ya, spen tregon lasso, me semble. Hag, bon, c'est tu vos président de Neve, hag, menos yo Neve, vidor Saint-Loup, de l'arrête. Bah, rostren, zo bedim bon, do lever, roas, war histor rostren, hag, lever ze zo gret, gant Marie-Madeleine Baquer, zo rende mode, bah, rostren, déjà, moi, betro de gomps de seille, hein, à Roland Jourdrain. Hag, bon, a zo ve gwellet, kal ze draou, di war ben histor rostren, hag, par où Joël de ce canton de Rostren. Bon, quand se bladé nouvé lac de war mar à dormeur mar aimant, bon, d'herbos ve bladé nou, hein, au ton de mes, hein, d'un square, titom, à Guistrol, hein, de ce gré de, or blade névé, au ton de mes, vraiment, asé. Hag, hendel, ma trezen peu sclève, comme de ce, lever de ze blad en gret gant Sylvain Rouz à Jacques David. Mas un peu zbeklev en e battu de ze vro gant Jean-Pierre Guyana. Hag bon or blad en a zo stress de vous de guerre tri. Bon, hendel gret me mon tom tro, ne velan ke kalz dra de la tartine. C'est du ben vegel vo kom ze roaz. Hag la rand salut de tout de Chiloé en er kabé. Hag, ti norvégienne. Ki norvégienne, Léry. Ja, ad artier modèle.